qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comme chaque mois, Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia, est l'invité de Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. En compagnie de Pierre Baron, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui quelle était la place de la femme aux temps médiévaux. Et pour nous immerger dans le sujet, je vais commencer par vous proposer de faire mieux connaissance avec une des femmes les plus remarquables, en tout cas les plus remarquées de la fin du Moyen-Âge. Je parle de Christine de Pisan. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Isabelle sur les origines de l'expression « coupe sombre ». Une expression de saison, hélas. Pour le moment, place à la première femme de lettres de l'histoire de France, la première qui ait vécu de sa plume, la passionnante Christine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Plusieurs milliers d'hommes du Moyen-Âge ont échappé à l'anonymat. Ils sont sortis des brumes du passé et se sont extirpés de la nuit des temps. Ils ont laissé un nom, parfois un visage, souvent une histoire. Eh bien, posez-vous la question, pour ces milliers et ces milliers d'hommes, combien de femmes? Combien d'individualités médiévales pourrait-on trouver dans le beau sexe? 100, peut-être même pas. 10, assurément. Le numéro spécial d'Historia, daté de mai-juin 2014, en retient surtout 4. Catherine de Sienne, Agnès Sorel, Hildegarde de Bingen et cette femme de plume extraordinaire dont nous allons parler aujourd'hui, Christine de Pisan. Christine de Pisan, ça s'écrit maintenant P-I-Z-A-N. Je dis maintenant parce que pendant très longtemps, on écrivait avec un S. C'est Simone Roux d'ailleurs, qui est la biographe de Christine et qui nous dit « Christine de Pisan avec un Z, puisque telle est l'orthographe actuellement adoptée. Quand elle parle d'elle, elle se nomme Christine, nous ferons de même. » Eh bien, moi aussi, ajouterais-je. Cette Christine, d'ailleurs, était née Christine de Pisan, c'était le nom de son père. Elle ne porte pas le nom de son époux, mais il faut savoir que à son époque, au XIVe et au XVe siècle, c'était tout à fait naturel. Il était même rare qu'une femme porte le nom de son époux. Donc, cette Christine de Pisan est née en 1365. Elle est morte en 1430. Nous avons bien affaire à l'une de ces rares femmes du Moyen-Âge qui est, comme je vous le disais, échappée à l'anonymat. Et ça n'est pas du tout n'importe qui, puisque c'est la toute première femme qu'on connaisse, en tout cas dans notre civilisation, à avoir vécu de sa plume. C'est une véritable femme de lettres. Certains disent même, et vous verrez que c'est le cas de mon invité, Pierre Baron, disent même qu'on pourrait la taxer de féminisme. Était-elle véritablement une féministe? Voici ce que dit Alain Decaux. Comme on voudrait qu'à toutes ces attaques masculines, parce que le moins qu'on puisse dire est que l'époque était quand même très largement dominée par des figures masculines, comme on voudrait qu'à toutes ces attaques masculines s'opposât une défense féminine. Elle existe, nous dit Alain Decaux. Ouf, nous respirons, l'avocate s'appelle Christine de Pisan. Alors cette Christine, elle est née à Venise, je vous ai dit en 1363, je vous ai dit 65 tout à l'heure, mais en fait elle est née en 1363. Elle est arrivée à Paris en 1365, donc elle avait 5 ans à cette époque-là. Et comme elle a toujours finalement connu Paris, elle a toujours connu la culture française, on peut dire qu'elle est française de cœur. Elle avait deux frères, Paolo, qu'on appelle Paul, et puis Aguinolfo. Alors, on ne sait pas grand-chose sur sa mère. Simone Roux nous dit « La mère est bien moins présente dans l'œuvre de Christine, sa figure est assez contrastée. Certes, Christine lui reconnaît bien des qualités, elle l'a nourrie tendrement dans son enfance, elle l'a allaitée, mais on a envie de dire ça s'arrête là. Le père est beaucoup mieux connu, c'est Tommaso da Pisano, Thomas de Pisan, fils de Benvenuto. Il est originaire, lui, de Bologne, d'une famille de noblesse rurale qui était venue s'installer à Bologne au XVIe siècle. C'est un personnage extraordinaire. Évidemment, on comprend qu'il ait transmis à sa fille un certain nombre des passions intellectuelles qui pouvaient être les siennes, et notamment celle de l'astrologie, ce qui, alternativement, le menait au bûcher ou à la cour des rois, nous dit Alain Decaux. Quand je dis astrologue, vous savez qu'à l'époque, les savants, d'une manière générale, étaient un petit peu tout à la fois. Ils étaient astrologues, ils étaient alchimistes, ils étaient surtout et avant tout médecins et astronomes, comme nous dirions nous aujourd'hui. Alors cette espèce de savant, ce bonhomme là, ce Thomas de Pisan, va être appelé à la cour par le roi de France, Charles V, Charles le Sage. Il est appelé aussi à la cour de Hongrie par le roi Louis Ier de Hongrie, et il fait, évidemment, il n'a pas eu grand mal à le faire, il fait le choix de Paris, où il va séjourner 3 ans, avant de décider de s'y installer vraiment à demeure avec sa famille. Françoise Autran nous dit, dans l'article d'Historia, l'enfance et la jeunesse de Christine se déroulent donc dans l'entourage royal. Son père joue un grand rôle dans la vie de Christine. Elle aura toute sa vie cette espèce d'admiration extraordinaire pour lui, et elle le prouve notamment en gardant ce nom de jeune fille dont je vous parlais. Elle est bien la fille de son père, si vous voulez. Alors, évidemment, elle n'est pas allée à l'école, on est au Moyen-Âge, on parle d'une toute jeune femme au Moyen-Âge. À l'époque, le cursus scolaire est réservé aux garçons, bien entendu, mais elle va quand même profiter indirectement. C'était le cas de nombreuses jeunes filles à l'époque. Elle va profiter des cours qui sont donnés à ses frères par leur père. Elle va recueillir, d'une certaine manière, un double enseignement. Celui qui était réservé à la haute bourgeoisie parisienne, hein, notamment en matière de poésie, de musique, et l'on verra à quel point la poésie occupe dans sa vie une place absolument déterminante. Et puis, elle est, bien entendu, l'héritière aussi de tout cet humanisme italien, d'un certain nombre de savoirs qui, pour certains, vont la dépasser dans son jeune âge. Elle est bilingue. Elle parle, elle lit l'italien, qui est sa langue maternelle. Mais évidemment, tous les textes qu'elle écrit, elle, sont écrits en français. Toutes ses œuvres sont en français, qu'elle a appris à lire et à écrire. Elle comprend aussi le latin, mais à cette époque, le latin était la langue internationale. Ça faisait partie de la culture. Ses connaissances, le goût pour les échanges, pour les discussions, elle est vraiment la femme de la disputatio, son amour des livres, tout ça, ça vient de son père, évidemment, peut-être aussi de son mari, car elle va faire un bon mariage dans un bon milieu, évidemment. Sa mère insiste pour qu'elle apprenne aussi des occupations plus féminines, filer, broder, tisser, etc. Ce qui fait que elle reçoit une éducation globalement plus approfondie, plus vaste, plus exigeante que celle alors réservée à bien des jeunes filles. Alain Decaux nous dit, à 14 ans, elle récite par cœur tous les auteurs anciens et discours en français, en italien, en latin. Sort sur Europe 1, un extrait de Mine Singe. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Christine de Pisan. Alors donc, elle épouse Étienne Ducastel. Elle a 15 ans, on est au début de l'année 1380. C'est son père qui a choisi son mari, bien entendu. Ce jeune homme est vertueux, il est tout frais diplômé. Disons-le, c'est un savant issu d'une noble famille picarde. Il a 10 ans de plus qu'elle, cet Étienne Ducastel. Et après les noces, il va devenir notaire et secrétaire du roi, tant le roi apprécie Christine. Note de Co au passage. Simone Roux nous dit « Christine était sans nul doute très courtisée. Elle se souvient que plusieurs beaux partis avaient demandé sa main, des chevaliers, des nobles, hommes de guerre et d'autres nobles clairs et riches. Elle est lucide. Ce succès mondain venait non de ses qualités ni de sa beauté, mais de la position sociale de son père très apprécié du roi. Et ça, c'est une des clés pour comprendre la vie des femmes au Moyen-Âge qui sont très largement considérées, sinon tout à fait comme quantité négligeable, mais du moins qui sont considérées en fonction directe de ce que l'alliance avec elles peut apporter à une famille ou à une carrière. Alors à quoi ressemble-t-elle cette Christine de Pisan ? Dans La Mutation, le titre complet c'est le livre de la mutation de fortune, on est en 1403. Dans La Mutation, nous dit Simone Roux, elle est amenée à décrire comment elle, personnage de fiction ici, fut reçue à la cour du roi Hyménéus. Le texte évoque sa tête frisée et blonde sur laquelle fut posée la couronne. Ailleurs, elle se décrit elle-même comme frisée, mais était-elle blonde ? Ou n'est-ce qu'une convention littéraire pour signifier la grande beauté ? On ne sait, car on ne possède évidemment aucun portrait réaliste de Christine. Elle est jolie, prétend néanmoins Alain Decaux. Un artiste du temps nous la montre avec un visage rond, des traits réguliers, le teint délicat. La taille laisse apparaître un léger embonpoint. Elle porte un chapeau bleu en forme de cône, une chemise très fine, une robe bleue entrouverte et brodée d'or. On a plaisir à imaginer que c'était en effet une jolie femme. Son mariage va être heureux. Christine a souvent raconté son bonheur, l'amour réciproque qui unissait son couple, l'amour qu'elle, Christine, a gardé toute sa vie pour un époux qu'elle présente avec toutes les vertus souhaitables. Elle va connaître 10 ans de bonheur, c'est-à-dire jusqu'à la mort de son mari, auquel elle aura entre-temps donné 3 enfants. C'est donc auprès de son mari, je vous l'ai dit, qu'elle se passionne littéralement pour les livres. Alors, inflexion de cette vie, c'est la mort, en 1380, du roi Charles V. À ce moment-là, son père se retrouve sans un sou, puisque le protecteur de son père est mort. Ça va être en quelque sorte la fin des faveurs de la famille à la cour, où l'on peut dire que les Pisans ont perdu leur crédit. Philippe de Mézières, un des conseillers les plus écoutés et les plus prestigieux de Charles V, nous dit Simone Roux, remarque que très souvent les prédictions de Thomas se sont révélées fantaisistes, c'est-à-dire que plus le temps passe et moins on croit dans les prophéties, en quelque sorte, du père de Christine. À son tour, il va mourir encore 7 ans plus tard. Et puis, c'est la mort du mari de Christine. Alors là, il va mourir d'une maladie en 1390, une épidémie qui s'est développée à Beauvais. On parle de peste à l'époque, mais vous savez qu'on appelle peste toutes les maladies épidémiques de l'époque. Ce qui est terrible pour elle, c'est que son mari étant mort loin du foyer conjugal, elle n'a pas pu lui dire au revoir. On pourrait presque dire que pour une femme du Moyen-Âge, c'est en quelque sorte sa vie qui, sinon s'arrête, mais en tout cas se met entre parenthèses, puisque Christine est veuve à 25 ans et qu'à cette époque-là, il ne faisait pas bon du tout être veuve. Le deuil, les difficultés matérielles qui s'y attachent, elle a quand même 3 enfants en bas âge à sa charge, sans parler de sa mère, des 2 frères, d'une nièce. Elle va, durant 15 ans, mener un long procès pour essayer de faire valoir ses droits. Christine en vient à estimer le poids de ses malheurs, nous dit sa biographe. Elle évoque sa mère âgée, qu'elle doit faire vivre alors que celle-ci a d'autres enfants qui auraient pu l'aider. Paolo et Aguinolfo ne se sont pas durablement installés à Paris et quand elle les mentionne, c'est brièvement et avec des appréciations mitigées. Une part de ces mots vient de ce qu'elle est isolée, sans le cercle de parents et d'amis proches de sa famille italienne. C'est absolument fondamental parce que le fait de vivre seule pour une femme à cette époque, en cette toute fin du XIVe siècle, c'est faire le choix d'une vie extrêmement difficile. Et c'est une vie qu'en plus, elle décide de vouer à la littérature en quelque sorte. Elle se tourne vers les livres, elle retrouve ce qu'elle appelle elle-même ce doux goût de science. Elle a accès à la bibliothèque royale, ça c'est pour elle une joie extraordinaire. Elle étudie l'histoire antique et biblique, l'histoire de France, l'histoire d'Angleterre, la mythologie, la philosophie, et elle décide bientôt de tirer parti de sa science, c'est-à-dire que, et ça c'est tout à fait extraordinaire, c'est tout à fait neuf pour l'époque, elle va apprendre le métier d'écrivain. Pendant 9 ans, elle peaufine son style, elle devient elle-même écrivain. Elle écrit des poèmes, où elle parle d'ailleurs de cette période de deuil. « Cellette suis et cellette veux être », écrit-elle. « Cellette m'a mon doux ami laissé. Cellette suis sans compagnon ni maître. Cellette suis dolente et courroucée. Prince, or est ma douleur commencée. Cellette suis de tout deuil menacée. Cellette suis plus teinte que morée, c'est-à-dire livide que mûre. Cellette suis sans ami demeurée. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Christine de Pizan n'a pas choisi du tout la voie de la facilité. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Christine de Pizan. Christine de Pizan, devenue veuve, amoureuse des livres, en bonne fille de son père qu'elle est, a décidé de se vouer à la littérature et elle va réussir comme ça à s'imposer. Elle est protégée par la reine Isabeau de Bavière, elle est protégée aussi par Philippe de Bourgogne, Philippe le Hardi, par Louis d'Orléans, par Jean de Berry, le duc de Berry, celui des très riches heures, vous savez, le frère du roi Charles V. Chaque jour, nous dit Alain Decaux, elle passe de longues heures à son pupitre de chêne, elle élève ses enfants mais reste pauvre, la reconnaissance des grands, flattée par une dédicace, ne se traduit souvent que par une façon d'aumône. Christine est fière. Elle cache sa pauvreté et pourtant cette pauvreté va la poursuivre pendant des années. À partir de 1400, elle se consacre essentiellement à des sujets historiques. C'est le livre du chemin de longue étude qu'elle écrit en 1402, publie en 1403, 6000 vers où elle raconte un voyage onirique au pays de sagesse et de raison. Quand je dis publie, vous êtes bien conscient qu'on est encore à l'époque des manuscrits. Il n'y a pas du tout d'imprimerie, bien entendu. Vient ensuite l'Advision de Christine en 1405, qui est une sorte de récit allégorique où elle évoque tous les malheurs de la France de son temps. Et puis ce fameux livre de mutation de fortune dont je vous parlais tout à l'heure, où elle raconte comment le destin, en faisant d'elle un écrivain, l'a fait changer de sexe, de femelle devint mâle, dit-elle, comme s'il ne pouvait y avoir autre chose que des hommes de lettres, d'une certaine façon. C'est très intéressant, hein, dès qu'une femme au Moyen-Âge commence à prendre du pouvoir, que ce soit dans le monde marchand, que ce soit dans le monde juridique, évidemment dans la politique à travers un certain nombre de reines, et puis bien sûr même dans le monde des arts, et là on a l'exemple d'un écrivain, ce que certains aujourd'hui appelleraient une écrivaine, eh bien à cette époque c'est immédiatement comparé, c'est immédiatement assimilé à un véritable changement de sexe. Alors elle va offrir son premier recueil à Philippe le Hardi, qui la complimente, qui trouve que tout ça est extraordinaire, et qui, sans doute ému par cette femme écrivain, va décider de la protéger. Et il lui demande d'écrire le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, donc son frère, qu'elle va lui dédier. Ce qui fait qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, Christine de Pizan se lance dans une véritable œuvre de ce qu'on pourrait appeler de la science politique. Elle explique, si vous voulez, le droit chemin à ceux qui ont le pouvoir. Elle est, sous une autre forme, évidemment, une sorte de Machiavel française. C'est un peu ça, l'idée. Philippe de Hardy, hélas, va mourir. Décidément, on meurt beaucoup autour de Christine de Pizan, mais n'est-ce pas le sort des êtres du Moyen-Âge, tout simplement. Et Christine va perdre aussi sa mère, elle perd l'un de ses fils. C'est une nouvelle phase très, très difficile et elle verrait du reste la mort, sa propre mort, comme une délivrance. Son cœur s'épanouissait de joie quand elle songea que le jour ne saurait tarder bien loin où elle ira les retrouver, écrit-elle. Pour faire face, elle poursuit son combat et là, c'est ce qui va nous intéresser avec Pierre Baron et ce sur quoi nous allons revenir dans un instant, elle se met littéralement à défendre les femmes, à valoriser les femmes, à prôner le mariage. Pour elle, le seul destin valable d'une femme se trouve dans le mariage et la dépendance d'un homme, mais elle parle de devoir et de respect pour l'épouse, pour la mère de la part de l'époux et de la part du fils. Elle va critiquer cette espèce de, ce que nous appellerions nous, le machisme du temps, notamment dans la querelle du roman de la Rose. Elle n'aime pas du tout le roman de la Rose qui vient d'être terminé par Jean de Main et où l'on trouve des phrases comme celle-ci. « C'est une vérité irréfutable, la femme n'a pas la science du bien et du mal. » Ah bon, dit-elle, et elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Elle le fait savoir par son ouvrage qui s'appelle « Le dit de la Rose ». et jurent fort, écrit-elle, et promettent et mentent être loyaux, secrets et puissants, vantent à propos de ces hommes qu'elle remet constamment à leur place. Elle n'hésite pas à tourner en ridicule la misogynie des auteurs français et leur fantasme de célibataire refoulé qui inspire nombre de sentences, écrit Françoise Autran. C'est pour pleurer, parler, filer que Dieu fit les femmes. Ou encore, pourquoi le Christ ressuscité apparut-il en premier à Marie-Madeleine? C'est pour que la nouvelle se répande plus vite, une femme étant incapable de se taire. Voilà le genre de phrase qu'on peut trouver dans la littérature de l'époque et qui hérisse littéralement notre Christine de Pisan, qui va écrire des romans, des ouvrages en mettant un certain nombre de femmes en avant, la reine Penthésilée de Troie, Médée ou encore Esther et Judith, qui sont évidemment de grandes figures bibliques. On peut dire que tous les genres de la littérature médiévale seront un jour ou l'autre abordés par Christine, qui essaie à chaque fois qu'elle le peut de mettre les femmes en avant. L'écriture lui permet, si vous voulez, de vivre même relativement confortablement. C'est pas évident de calculer les ressources que lui rapportent ses livres. Selon Simone Roux, voilà ce qu'on lit dans son étude, Christine reçoit un versement de 20 écus en 1403, un autre de 100 écus en 1406, 50 francs d'or en 1407, 150 francs en 1408, s'y ajoutent des dons de la part des autres princes bourguignons. Elle ira se réfugier à partir de 1415, donc à partir de la très grande guerre, de la bataille d'Azincourt, etc. On est en pleine 1415, ce sont des années très difficiles pour la France. Elle va se réfugier au cloître de Poissy, où elle restera jusqu'à la fin de sa vie, en s'intéressant à ce qu'on peut apprendre de Jeanne d'Arc. Et elle va d'ailleurs écrire sur Jeanne d'Arc à la toute fin de sa vie. « Toi, Jeanne, à une bonne heure née, béni soit celui qui te créa, pucelle de Dieu envoyée, en qui le Saint-Esprit fit rayonner sa grande grâce, et qui eut et a toute largesse en son haut don. Jamais il ne te refusa ta requête, et il te donnera à ses grandes récompenses. » Je trouve magnifique cet hommage d'une des rares femmes connues du Moyen-Âge à celle qui, évidemment de toutes, est la plus connue. Bonjour Pierre Baron, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons parler non seulement de Christine, mais d'un certain nombre des autres femmes du Moyen-Âge, puisque c'est le thème même de cette Historia spéciale. Le Moyen-Âge libère la femme à travers médecins, éminences grises, chefs d'entreprise, guerrières, toutes ces fonctions qu'on aurait pu croire au Moyen-Âge interdites aux femmes. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe 1, un extrait de Cantigas de Santa Maria. Et on parle aujourd'hui dans Cœur de l'Histoire des femmes au Moyen-Âge avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia, dont le dossier du dernier numéro, un numéro spécial, est consacré au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge libère la femme, médecin, éminence grise, chef d'entreprise, guerrière, un numéro qui est en kiosque actuellement. Alors Pierre Baron, nous allons revenir sur le parcours et sur le destin très singulier de cette Christine de Pisan qui a en quelque sorte illuminé le tout début du XVe siècle, qui est un siècle d'ailleurs beaucoup plus lumineux qu'on ne pourrait penser, mais nous n'allons peut-être pas entrer trop dans cet aspect. Avant toute chose, évoquons peut-être cette couverture du numéro spécial d'Historia, daté donc de mai et juin 2014. Vous nous dites qu'il y avait au Moyen-Âge des femmes qui ont pu être médecins, chefs d'entreprise et même guerrière, dites-vous. Ah oui, même guerrière. Christine de Pisan a le privilège des lettres. Mais on trouve dans la littérature médiévale ce qu'on appelait de deux manières les chevaleresses ou les chevalières. Donc des femmes qui combattaient à cheval. Alors bien sûr, cette littérature les cite, elles ne sont pas légions comme Christine de Pisan. Pour autant, elles ont à travers toute l'Europe un statut lié une fois de plus à leur mari. Et souvent, très souvent, quand le mari décédait, ces femmes prenaient les armes en lieu et place et menaient les combats. On a, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, uniquement l'idée et l'image d'une Jeanne d'Arc, sur laquelle je pense on reviendra. Oui, bien sûr. Car la manipulation tout de même est de taille, y compris dans l'histoire officielle. Alors que pour ces femmes-là, ça ne fait aucun doute, le fait de mener des hommes au combat était totalement avéré. Alors aujourd'hui, les femmes de lettres sont tout à fait, ça fait absolument partie du paysage, si je puis dire, et depuis longtemps. Rappelons-nous le grand nombre d'auteurs extraordinaires qu'on connaît au XVIIe siècle, mais même déjà un peu au XVIe siècle, hein, avec Marguerite de Navarre, voilà. Bien sûr. Mais Christine de Pizan, on est à la fin du XIVe siècle, et là on peut dire qu'elle est la première. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, quand elle je dis la première, la première en tout cas à vivre de sa plume, à en faire quasiment un métier. Hein. Elle est la première, Franck, et pour rebondir sur cette notion de féminisme que vous avez évoquée, elle est tout de même extraordinairement moderne, puisque elle ne revendique, si vous regardez bien dans ses textes, aucun droit supplémentaire pour les femmes. Elle demande simplement à ce que leur dignité soit respectée. Et alors qu'on avait un classement moral de la société, finalement, on avait quoi? On avait trois grands ordres par les moralistes hommes vis-à-vis des femmes. C'était des vierges, c'était des épouses ou c'était des veuves. Christine de Pizan, elle les considère d'un point de vue, je dirais, plus social. Elle parle d'ailleurs dans ses textes des princesses jusqu'aux femmes de folle vie, dit-elle. Ce qui est tout de même un peu plus réaliste qu'un simple statut conjugal. Et je trouve que lorsqu'elle dit que la femme a une mission essentielle qui est d'entretenir, je la cite, je crois, de mémoire, la foi conjugale, de façon à assurer la pérennité de la lignée, elle n'est pas dans un féminisme tel que nous le concevons, nous, aujourd'hui. Elle est dans un féminisme qui est simplement un problème de dignité, de reconnaissance de l'être féminin. C'est probablement beaucoup plus moderne qu'il n'y paraît. Oui, et la question qu'on peut se poser, parce que c'est très difficile d'y répondre, on est dans le cœur même d'une histoire des mentalités qui est difficile à cerner, qui d'ailleurs évolue de génération d'historien en génération. La question qui se pose, c'est de savoir si une femme comme Christine de Pizan considère elle-même que la femme est de la même eau, si je puis dire, et de la même nature que l'homme. On a, au Moyen-Âge, un certain nombre de personnes qui sont convaincues que la femme est presque d'une espèce différente, d'une certaine façon. C'est très délicat à dire, hein, je ne voudrais pas choquer quiconque, mais la femme n'est pas forcément considérée comme l'alternative d'un autre genre de l'homme. Elle est considérée quasiment comme un être spécifique, différent, essentiellement et à part entière. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas du tout question d'égalité. Par exemple, la notion ne se pose même pas au Moyen-Âge. C'est un non-sens historique. Un non-sens, voilà, c'est ça. Et dans cette conception masculine de la femme, religieuse de la femme essentiellement, il y a toujours en pointillé le danger et la peur. Et voilà. C'est-à-dire que... Fragilité des positions sociales. Exactement. Et au-delà de cette fragilité, dès que la femme a un comportement qu'on jugerait, nous, revendicatif, elle est très vite, Franck, taxée, soit d'hystérie, soit de possession, et ça devient très vite une sorcière. Possession, c'est-à-dire de possession démoniaque. Hein. Démoniaque, et ça devient très vite une sorcière. C'est-à-dire que la marge de manœuvre de la femme, en tant qu'être humain, y compris dans ses expressions, est singulièrement bornée au Moyen-Âge. Elle est un peu, au Moyen-Âge, celle par qui le malheur arrive, la fameuse Eva Prima Pandora. Hein. C'est par la femme que le scandale, que la perte, en quelque sorte, survient. En fait, le Moyen-Âge a une lecture très primaire d'Adam et Ève, et de la Genèse, et du péché originel. Alors que la Renaissance, et vous le savez bien, en revenant aux Écritures, va rendre à la femme des attributs qui vont casser cette notion de pécheresse fondamentale de celle par qui le péché arrive. Et il y aura cette période tout à fait rare, extraordinaire, qui ne dure pas longtemps entre nous, soit dit, qui dure en gros un bon demi-siècle, hein, entre la fin du XVe siècle, les années 1480, et le milieu du XVIe siècle, où là, alors oui, les femmes joueront un rôle essentiel, et on le verra politiquement, au point que tous les grands chefs d'État, si je puis dire, de la période, soient des femmes, et des femmes qui exercent le pouvoir. Hein. Évidemment, une Marguerite d'Autriche ou une Louise de Savoie n'étaient pas là pour faire de la figuration ou pour prêter leur nom. Elles exerçaient pleinement et personnellement le pouvoir. Mais ça n'est pas encore le cas dans la période dont nous parlons, qui est celle d'avant. Période bénie, Franck, attention, période bénie, parce que cette fin, ce demi-siècle que vous évoquez, va être d'une certaine manière l'extrême avancée des droits des femmes, On commence à voir dans le nord de l'Europe, par exemple, des femmes qui se marient en choisissant par elles-mêmes leur époux. Quand on réfléchit aux pièces de Molière 2 siècles plus tard, quelle régression que ce vieux barbon qui épouse toujours contre son gré une jeune fille. Le XVIIe siècle est venu poser là-dessus une espèce de chape de plomb, une chape bourgeoise. Complètement. Simplement. Il y avait une véritable avancée 2 siècles plus tôt. Et alors encore 2 siècles plus tard, le XIXe remettra une grosse couche, si je puis dire, évidemment. Ce que veut Christine de Pizan, nous dit Françoise Autran dans l'article d'Historia, c'est construire sur des bases solides sa défense et la valorisation de la femme. Elle n'hésite pas à tourner en ridicule la misogynie des auteurs français et leur fantasme de célibataire refoulé, je disais ça tout à l'heure, et pour elle, chaque femme a sa place dans la société. Pour le démontrer, elle dresse un tableau de la société au féminin en totale rupture avec celui des moralistes de son temps habitués à ne distinguer que 3 catégories, les vierges, les épouses et les veuves. Elle dresse les femmes en groupes sociaux définis de façon empirique mais réaliste depuis, comme vous le disiez, exactement, depuis les princesses jusqu'aux femmes de folle vie. Bien l'expression. Et alors si vous me permettez, il y a une description très réaliste aussi du rôle de la femme qui tient les cordons de la bourse. Ça, on va y venir, parce que c'est le rôle de l'épouse, qu'elle soit bourgeoise et même au-delà, de tenir le domaine ou la maison. Et Sainte-Christine de Pizan le revendique comme étant un rôle essentiel. Il n'y a pas que la piété ou la fidélité ou d'entretenir, comme elle dit, la foi conjugale. Il y a cette notion que la femme est l'économe du ménage. Et ça, c'est extrêmement moderne aussi. Et elle est, de ce point de vue, elle est non seulement en avance sur son temps, mais on pourrait presque dire qu'elle est dans un autre registre de pensée. C'est ça qui est assez fort. Elle est très étonnante, cette Christine de Pizan. On comprend qu'aujourd'hui, elle fascine beaucoup l'historiographie, bien entendu. Elle aura été à la toute fin, parce qu'évidemment, l'épopée de Jeanne d'Arc commence en 1429 et qu'elle meurt, elle, l'année suivante. Mais à la toute fin de sa vie, elle est non seulement témoin de ce qui se dit et de ce qui se sait dans le royaume de l'épopée de Jeanne d'Arc, mais elle lui dédie ces vers magnifiques. Je trouve ça très beau finalement que cette femme parle d'une autre femme qui elle était alors une femme guerrière pour le coup, Jeanne d'Arc. Et surtout, dans cette trajectoire, vous l'avez dit très justement, vous avez la poète ou la poétesse. La poétesse. Vous avez tout de même la femme qui tient une chronique politique, disons les choses clairement, sur l'art du bien gouverner. Et vous avez également une intellectuelle, le mot pardon pour l'anachronisme, puisque le mot vient plus tard, mais en tout cas quelqu'un qui réfléchit à sa condition. C'est tout de même assez inouï dans ce siècle pour une femme, et à ma connaissance, il faudra attendre, comme vous le disiez, pas mal d'années pour qu'on retrouve une telle avancée. Alors cette figure de Jeanne d'Arc est la plus connue du Moyen-Âge, elle en revanche... On dispose sur elle d'un nombre d'informations totalement inédit. C'est la seule femme dont ce soit le cas. C'est la seule femme dont ce soit le cas. Grâce notamment au procès, le premier grand procès, condamnation à Rouen, bien entendu. Et puis au procès en réhabilitation qui, plusieurs années plus tard, sera réalisé et qui nous permet d'avoir, de recueillir un très grand nombre de témoignages sur Jeanne d'Arc. C'est intéressant d'avoir enfin une femme sous les yeux, si je puis dire. Le problème, c'est que ce n'est pas une femme banale. Oui, c'est pas une femme banale, Franck, et puis c'est pas à vous ni aux auditeurs que je dirais que ce portrait comporte beaucoup de zones d'ombre. Et oui, évidemment. Voilà. Et que la manipulation de l'histoire, voilà, à des fins politiques, une fois de plus, a joué beaucoup dans le fait que Jeanne d'Arc devait être ce qu'elle était, tout au moins telle qu'on l'a présentée, pour qu'elle puisse rentrer dans la légende et dans, je dirais, la grande épopée et l'histoire officielle de son époque. Alors il y a dans ce numéro spécial d'Historia d'autres grandes figures féminines. Vous y évoquez Catherine de Sienne, vous y évoquez la célèbre mystique Hildegarde de Bingen, sur laquelle on va revenir, et puis bien sûr Agnès Sorel, qui elle aussi est assez connue, mais on est déjà là presque aux marges de la Renaissance, quasiment déjà dans la Renaissance. C'est la toute fin du Moyen-Âge. Nous revenons sur quelques-unes de ces femmes célèbres dans un instant avec vous, Pierre Baron. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des femmes au Moyen-Âge avec vous Franck Ferrand et votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Le dossier du dernier numéro spécial d'Historia est consacré au Moyen-Âge, le Moyen-Âge qui libère la femme, médecin, éminence grise, chef d'entreprise, guerrière, un numéro qui est en kiosque actuellement, Franck. Étonnante position que celle de Charles VII, qui aura été fait roi, si je puis dire, grâce à Jeanne d'Arc, et qui deviendra le grand roi qu'on sait grâce à Agnès Sorel. Il aura côtoyé, lui, deux des femmes les plus célèbres du Moyen-Âge. Pierre Baron. Oui, il les aura côtoyées, pourtant il les aura maltraitées dans les deux cas. Oui, c'est vrai. Il aura renié celle qui lui a quand même donné son pouvoir, et il aura très maltraité son épouse légitime, Marie d'Anjou. Non pas, Franck, l'historien n'a rien à faire avec ça, non pas pour des questions morales, mais pour des questions de préséance qui mettaient même à mal son règne d'une certaine manière. Parce que tout de même, installé pour la première fois dans les chroniques, sa maîtresse légitime, chez son épouse, avec, je cite, « des appointements supérieurs à la reine, une vaisselle plus riche que celle de la reine, des bagues et bijoux plus beaux et plus chers que ceux de la reine », il fallait, pardonnez-moi, tout de même oser, voyez-vous. Oui. C'est vrai qu'il n'a pas été un modèle, lui, de ce point de vue. Il a été auprès d'Agnès Sorel à l'école d'une certaine, ça c'est très intéressant aussi, d'une certaine féminité quand même. Et si la Renaissance s'installe en France, c'est certes grâce aux guerres d'Italie, c'est certes grâce à tous les mouvements marchands de l'époque, etc. Mais c'est aussi par la présence des femmes. Ça, ce sera le rôle notamment d'Anne de Bretagne et des dames qu'elle amène avec elle à la cour. Il y a chez les femmes un rôle particulier au Moyen-Âge, qui est justement un rôle, comment pourrait-on dire, de politesse, de douceur. Et peut-être aussi un instrument à la cour de civilisation. De civilisation, hein, finalement. C'est ça, c'est ce que Norbert Elias appelle le procès de civilisation. Exactement. En fait, hein. Alors ça, ce sont les dames de cour. Celles-là, on les cerne relativement bien. Il y en a d'autres qu'on cerne bien, ce sont les saintes ou les nonnes, ou d'une manière générale, toutes ces femmes toutes qui se vouent à la religion. Hein. Les nonnes jouent un rôle très important au Moyen-Âge. Bien sûr, c'est essentiel. Et pour autant, on parlait de politique tout à l'heure, il y a une dimension très novatrice avec Agnès Sorel, c'est son aspect politique. Il n'est pas prédominant dans la mesure où nous n'avons pas la preuve par les chroniques de décisions majeures de Charles VII, mais il est évident, on la représente même, Franck, vous le savez, dans l'iconographie, à plusieurs reprises au Conseil du Roi. Vous pensez donc la favorite qui siège au Conseil du Roi. Mais au-delà d'une représentation un peu abusive, il y a bel et bien, pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un, donc une femme, qui a un rôle d'éminence grise. Ça, c'est essentiel. Et là aussi, on retrouve cette percée de Christine de Pizan précédemment, d'une femme qui réfléchit sur le pouvoir. Là, on a une femme qui conseille de très près, à hauteur d'édredon ou d'oreiller, mais tout de même qui conseille le pouvoir. Et ça, c'est nouveau. Des reines, des maîtresses, des saintes, quelques nonnes, et encore la plupart, évidemment, sont restées elles aussi totalement dans l'anonymat. On ne trouve pas beaucoup de bourgeoises, de pauvres femmes, etc. dans ces femmes de l'époque. D'ailleurs, non. Il y a un terme, vous faites sur ce terme-là, le gros plan du magazine, c'est le mot « dame ». Et qui dit dame dit statut très particulier, qui nous ramène d'ailleurs au roman courtois. Hein. Tout à fait, avec une espèce de forme d'idéalisation qui, encore une fois, dans le quotidien du Moyen-Âge, ne se retrouve pas. Oui, on ne parle pas beaucoup des femmes bourgeoises, on va dire, mais tout de même, ces femmes tiennent la caisse, pardonnez-moi, des gestionnaires hors pair. Et quand elles sont dans la noblesse, et que l'époux est parti en croisade ou en guerre, ce n'est pas si simple que cela de faire respecter un territoire, y compris dans les querelles de voisinage, quand on est une femme et qu'il faut tenir l'intégrité du château. Et pourtant, ces dames s'y emploient, et elles s'y emploient plutôt bien. Elles sont, en quelque sorte, l'élément qui permet de tenir les fermes, de tenir les châteaux, etc. C'est un fait de civilisation, parce que la guerre est forcément... un facteur et un germe de déstabilisation, de révolte, de renversement. La femme incarne indéniablement, quelles que soient les classes sociales, la perpétuation et la stabilité des institutions. Et peut-être, vous parliez de la civilisation et peut-être leur évolution aussi, d'une certaine manière. Oui, absolument. Il y a chez toutes ces femmes extraordinaires du Moyen-Âge, celles dont on a conservé la mémoire, il y a sans doute la volonté de se faire oublier, de se couler. C'est très différent de ce qu'on peut constater chez les hommes, évidemment. Comme si toutes ces femmes elles-mêmes avaient voulu disparaître, d'une certaine manière. Et il y avait ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une espèce de recherche de l'anonymat, oui. Comme si la femme, d'une certaine manière, et d'une manière certaine, ne pouvait pas revendiquer son statut de femme. Donc, ne pouvait pas signer, si j'ose dire, ou s'affirmer en tant que femme. Donc, la femme apparaissant devenait anonyme parce que, comme le disait d'ailleurs Christine de Pizan, de femelle, elle devenait mâle. Et voilà. Donc, elle n'incarnait plus sa réalité. Et par là même, les femmes qui tenaient leur rôle avaient tendance à s'estomper parce qu'elles n'avaient aucune reconnaissance de leur temps. Mais alors, les médecins, les femmes médecins dont vous parlez restent évidemment des exceptions totales, même très rares. Vous montrez, comme toujours, la revue est très bien illustrée, donc on a des miniatures notamment magnifiques. Alors on voit une femme qui occupait une activité de forgeron, en l'occurrence. Hein, c'est dans les miniatures du livre d'heures d'Étienne Chevalier par Jean Fouquet, une des plus grandes merveilles qui soit au château de Chantilly. Alors on voit cette femme en forgeron. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que là encore, c'est une exception extrême. Oui. On aura le même genre d'exception avec les femmes chevaliers. Il y a eu des chevalières, d'ailleurs, au Moyen-Âge ? Oui, on en a trouvé beaucoup. On en a trouvé en France, on en a en Italie. Il y a des témoignages, il y a la fameuse histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, de Flamme la Bretonne, qui était tout de même, qui avait eu son heure de gloire, en levant aussi des troupes, en défendant avec acharnement et beaucoup de malice son château. Les femmes chevalières existent, encore une fois, dans la littérature. Elles sont toujours dans le sillage de l'époux absent et rentrent très vite, très dignement et très humblement dans le rang dès le retour de celui-ci au domaine. Oui. Donc ce sont les circonstances qui vont faire sortir la femme de cet anonymat, de cette nuit où la plonge la société médiévale. C'est tout à fait le cas de ces femmes qui sont héritières à un moment donné, qui vont, parce qu'elles sont veuves et parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de procéder, qui vont assumer la direction des affaires. Par exemple, il y a eu de très bonnes gestionnaires, encore une fois, on en voit de beaux exemples dans ce que vous dites, mais ce sont toujours les circonstances qui le décident. Une femme ne peut pas décider de devenir, elle, une femme d'affaires ou une banquière. Ça n'aurait pas de sens à l'époque. Quand bien même, Franck, le statut du remariage, vous le savez bien, il n'est rigoureusement pas le même au Moyen-Âge. Un homme peut se remarier, il est veuf, il reprend une autre épouse. Et évidemment, tout ça est d'une banalité consternante au quotidien. Il est extrêmement difficile quand une dame perd son époux, que ce soit Christine de Pizan ou quelqu'un d'autre, pour se remarier, ce n'est absolument pas bien vu par la société. Donc même quelqu'un qui aurait un vrai, et c'était le cas pour certaines, de vrais talents de placement, de banquière, est extrêmement difficile si vous n'aviez pas la possibilité de vous mettre, je dirais, sous la tutelle masculine au niveau social. Alors, on voit dans le numéro spécial d'Historia, on voit des femmes dans toutes sortes de tenues. Vous insistez d'ailleurs sur les canons de la beauté médiévale, sur le front épilé, sur la taille de guêpe, sur la poitrine opulente, en fait, etc., etc. Mais précisons bien que tout cela, c'est le bas Moyen-Âge. Oui. Est-ce que finalement, on ne devrait pas parler des femmes au bas Moyen-Âge ? C'est la chambre des dames de Jeanne Bourin, d'une certaine manière. On en sait encore moins sur les femmes du plein ou du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de l'époque, alors là, mérovingienne, carolingienne. On connaît quelques reines mérovingiennes parce qu'elles ont beaucoup fait parler d'elles. Mais on ne sait pas grand-chose du statut des femmes en l'an 1000. Non, on a très très peu de chroniques, on n'a aucun témoignage. Ouais. Rendez compte, la moitié de la société est dans l'ombre totale. C'est incroyable quand même. Total. Je pense que ça fait partie de ces évidences au milieu desquelles on vit, mais qu'on ne réalise pas suffisamment. C'est la même chose avec les datations de la Renaissance, etc. Ce sont des évidences qu'on finit par oublier. En l'occurrence, on croit connaître très bien l'histoire des 11e, 12e, 13e siècles, et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on connaît, c'est l'histoire de la moitié de la société qui était composée d'hommes, en vérité. Alors, vous essayez, d'une certaine manière, et avec beaucoup de persévérance, de lutter contre cette semi-cécité, Pierre Baron, dans ce numéro spécial d'Historia. Le Moyen-Âge libère la femme, médecin, éminence grise, chef d'entreprise, guerrière. Et on a envie de dire, oui, mais à la fin du Moyen-Âge et de manière totalement exceptionnelle, bien entendu. Alors, je ne voudrais pas vous laisser partir, Pierre, sans évoquer l'autre numéro, alors le numéro courant d'Historia, hein, dans sa nouvelle formule. C'est le numéro du mois de juin, évidemment, sur le débarquement. Nous allons nous-mêmes consacrer, le 6 juin prochain, une émission spéciale au débarquement à bord de la dernière barge authentique qui est débarquée le D-Day. Et on sera devant la plage de Utah Beach avec un micro d'Europe 1 sur la péniche de débarquement. Vous avez consacré donc à cet événement énorme, à ces heures qui ont changé la face du monde, quasiment un numéro entier, on peut dire. Oui, c'est un très gros dossier. Bien évidemment, l'événement l'imposait. Mais c'est un 70e anniversaire du débarquement. Et puis c'est un dossier sur lequel on a voulu de nouveau alterner des récits très précis, comme celui bien évidemment du 6 juin, heure par heure, avec des témoignages. On paraît presque dire minute par minute d'ailleurs. Oui, presque, à des moments oui. Par exemple, moi je trouve ça extraordinaire d'avoir un monsieur qui s'appelle Samuel Fuller, et qui est le cinéaste qu'il deviendra, qui débarque, et la façon dont lui peut vivre en tant que jeune soldat, la peur. Et qui va contracter là une véritable haine des armes, ah, oui, d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Et ça me paraissait intéressant de mêler le récit des historiens avec, par exemple, les témoignages des Normands et la terreur absolue. Les Normands qui ont vécu la bataille de Normandie. Exactement. Ce que vous racontez aussi, la Normandie à feu et à sang, c'est donc dans ce numéro d'Historia du mois de juin. Le passé éclaire le présent, dit-on chez Historia. On pourrait presque dire que notre présent aujourd'hui rééclaire un passé lorsqu'il est très proche. C'est le cas, là, en l'occurrence, 70 ans. Il y a même encore quelques témoins. Ils deviennent très rares. Nous aurons l'un des vétérans du débarquement, NGI, qui s'appelle Monsieur Dargols, qui viendra témoigner dans l'émission du 6 juin également. Merci beaucoup, Pierre Baron. Donc, bon mois de juin qui va être peuplé de commémorations et d'événements pour les amoureux d'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Isabelle. Et vous aussi, chers auditeurs, hein, faites comme Isabelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la page Facebook de l'émission pour notre retour aux origines. Isabelle, donc Franck, qui vous demande l'origine de l'expression « coupe sombre ». Alors, les coupes sombres, ça c'est passionnant pour tout vous dire. D'abord, on se trompe beaucoup sur le sens de cette expression, je vais y venir dans un instant. Ça va nous permettre aussi de revenir sur l'origine de cette expression très à la mode en ce moment, où l'on est en train de couper dans tous les budgets partout, et on parle partout. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, d'écouter n'importe quel flash, on vous parle de coupes sombres. Eh bien, en vérité, ces coupes sombres qu'on oppose aux coupes claires, c'est emprunté directement au langage de la sylviculture. Hein, c'est notamment, vous savez, on s'est mis l'exploitation forestière a pris une très grande extension dans le milieu du 19e siècle. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à parler de ces coupes claires et de ces coupes sombres. Alors une coupe claire, ça consiste à abattre un très grand nombre d'arbres pour laisser passer la lumière, en quelque sorte, hein, pour permettre aux jeunes pousses de s'épanouir. Ça crée quasiment une clairière. Donc quand on coupe énormément, c'est une coupe claire. Alors qu'une coupe sombre, ça consiste à abattre seulement quelques arbres et à ensemencer la terre avec leurs graines. Le sous-bois, à ce moment-là, n'est pas tellement éclairé, on maintient pas mal d'ombrage, d'où l'expression coupe sombre. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut parler d'une coupe drastique dans un budget, plutôt que de coupe sombre, il faudrait parler plutôt de coupe claire, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, il y a pas mal d'autres expressions qui sont comme ça empruntées à la sylviculture. On parle de coupe à blanc, par exemple, qui fait référence à l'abattage total des arbres d'une forêt. Cette coupe radicale qui a entraîné d'ailleurs des déforestations majeures dans certaines régions du monde, en Asie, au Canada, au Cameroun, au Brésil, on dénombre des quantités de coupes à blanc. On parle aussi de coupes rases, de coupes à blanc étoque ou de coupes blanches. Tout ça, c'est le même sens pour parler en quelque sorte d'une déforestation complète. Le terme, l'expression coupe réglée, vous savez, mettre en coupe réglée, ça remonte au 17e siècle, la première exploitation des forêts domaniales. Ça signifie imposer périodiquement à une personne ou à un groupe des prélèvements excessifs, des privations, des sacrifices. Et bien cette mise en coupe réglée, ça fait allusion à ces zones de coupe réglée, c'est-à-dire de coupe organisée par les sylviculteurs, par les forestiers. Quant à l'expression être sous la coupe de quelqu'un, alors ça n'a rien à voir puisque ça fait plutôt référence au jeu de cartes à la fin du XVIIe siècle lors des parties de cartes pour désigner le premier joueur après le coupeur. On était sous la coupe de celui qui avait coupé.